Hallo? All of humanity should gather as one. Allô? Meanwhile, let's get... Est-ce que quelqu'un m'entend? Y'a quelqu'un? Je pense que nous y sommes prêts de changer de fréquence. Je sais, c'est comme ça qu'il procédait dans le... Ça fonctionne maintenant. Ils m'entendent. Oui, oui, ils m'entendent. Bien, alors, écoutez-moi très attentivement. Votre avenir dépend de ce que je suis sur le point de vous dire. Non, attendez, je recommence. Je ne cherche pas à vous faire paniquer. Bien au contraire, je cherche à vous rassurer, à vous motiver. Alors, écoutez, vous savez déjà ce qu'est la crise climatique. Après tout, vous vivez en 2023. Il y a des inondations, des incendies de forêt, des canicules, des champs qui se transforment en déserts, des maladies tropicales qui se propagent dans des villes où elles n'avaient jamais sévi, des animaux sauvages qui disparaissent, des villes et des pays entiers qui sont menacés par l'élévation du niveau de la mer. On pourrait facilement se sentir désespéré face à ces constats. Mais c'est là que je veux vous aider, parce que je vous parle depuis l'an 2123. Je peux témoigner que l'humanité existe encore. La crise climatique ne nous a pas éradiqués. Ouf ! C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Cependant, vous devez savoir ce qu'il a fallu faire pour maîtriser les changements climatiques. Et c'est de cela dont je vais vous parler. Je veux tout vous dire sur les innovations et les investissements intervenus dans les années 2020 et 2030. Tout ce qui a permis à l'humanité d'enrayer le réchauffement de la planète et de faire face à ses incidences. Bienvenue dans la série « Solutions pour le climat 2123 ». Dans cette série « Solutions pour le climat 2123 », je souhaite vous motiver en vous parlant des nouvelles technologies qui vont vous permettre de faire face au changement climatique. Ce sont des technologies étonnantes, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique ou de transport aérien, de transformation numérique ou d'aménagement urbain. Des technologies qui sont déjà en cours d'élaboration à l'heure où vous écoutez ce podcast. Vous allez devoir modifier votre comportement. Et oui, pour émettre moins de carbone, consommer moins d'énergie. Mais ces nouvelles technologies vont vous y aider. Nous, qui vivons en 2123, nous avons beaucoup d'avances technologiques sur vous. Mais il nous semble important de vous informer de toutes ces innovations. Et nous devons donc nous servir de vos technologies pour cela. C'est pas facile. Apparemment, vous utilisez des objets qu'on appelle des téléphones. Je me souviens que ma grand-mère m'en parlait. Donc, utilisez votre téléphone pour vous abonner à Solutions pour le climat 2123, une série diffusée par la Banque européenne d'investissement. Vous trouverez Solutions pour le climat sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et toutes les autres grandes plateformes spécialisées. Et découvrez comment vous allez faire pour survivre. Rien que ça. Dans chaque épisode de Solutions pour le climat, je vais vous raconter comment les innovations ont affecté un secteur différent de l'économie dans les années 2020 et 2030. Pour notre premier épisode, nous allons commencer par le secteur qui, à votre époque, était considéré comme l'un des plus polluants. C'est aussi un domaine qui a vu émerger certaines solutions jugées inimaginables. Je veux parler de l'aviation. Vous pensez probablement que les jours où l'on sillonne la planète en avion sont comptés. Ta-ta-ta-tin ! Que bientôt, vous partirez en vacances, en train, et que vous ferez peut-être un long trajet en bateau une ou deux fois dans votre vie. Dans un avenir immédiat, vous allez prendre le train plus souvent, c'est vrai. Mais à long terme, disons à partir des années 2040, il existera des solutions qui vous permettront de vous déplacer par voie aérienne, sur de longues et de courtes distances. Il y a une chose que nous partageons, vous et moi, même si j'ai 100 ans d'avance sur vous, c'est l'instinct d'exploration. Nous aimons découvrir de nouveaux endroits. C'est dans la nature humaine. Depuis les années 60, les humains ont voyagé intensément. Et c'est cette intensité, évidemment, qui fait partie du problème. Parce que les avions de ligne que vous empruntez émettent d'énormes quantités de carbone qui contribuent au réchauffement de la planète. Et c'est pour cela qu'à l'époque où vous vivez, des sociétés essayent de trouver comment transporter les passagers dans un grand tube métallique sans dégager autant de carbone. Bon, mais penchons-nous d'abord sur les vols long-courrier. Si vous voulez faire en sorte que les voitures émettent moins de carbone, vous produisez des modèles électriques. Mais à votre époque, on ne peut pas faire tourner un avion de ligne sur des batteries, car leur densité énergétique ne le permet pas. En fait, il faudrait une batterie énorme, vu l'énergie que consomme un moteur à réaction. Et c'est là que l'hydrogène entre en jeu. Il libère 3 fois plus d'énergie par unité de masse que le kérosène. En plus, il fournit davantage d'énergie à partir d'un volume de carburant plus faible. Vous me suivez ? Airbus et Boeing, des grands constructeurs aéronautiques, travaillent en ce moment même sur cette technologie, à votre époque, en adoptant en fait des démarches différentes. Boeing achète des startups qui travaillent sur des idées ingénieuses concernant la technologie de l'hydrogène. Airbus travaille et cherche à convertir les avions traditionnels en les équipant de moteurs à hydrogène. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs annoncé qu'elle utiliserait son A380 pour tester cette technologie. Airbus a également annoncé la mise en service d'avions de ligne à hydrogène à l'horizon 2035. Bien sûr, vous allez me dire, le développement des avions prend généralement 10 ans de retard au moins. Ne comptez donc pas voler à l'hydrogène d'ici peu. Ceci dit, il s'agit d'une évolution technologique étonnante qui peut avoir un fort impact en matière d'émissions. En effet, l'hydrogène est produit par électrolyse. Et si cette électrolyse utilise de l'énergie renouvelable éolienne ou solaire, par exemple, alors aucune molécule de carbone n'est émise. Voilà l'évolution que je voulais évoquer au sujet des vols long courrier. Pour ce qui est de la ville dans laquelle nous vivons, eh bien, l'expérience entre vous et moi en 2123 est radicalement différente. C'est partiellement dû à l'existence de transports aériens urbains. Et suivez-moi, ça va être drôle. Avez-vous vu des films tels que Blade Runner ? Nous qui vivons en 2123, nous l'avons encore et nous lui trouvons un certain charme désuet. Mais à vos yeux, il s'agit d'un film futuriste. Moi, je circule dans ma ville un peu comme les personnages de Blade Runner, en taxi volant, comme de gros drones. Dans les années 2020, 2030 et 2040, tout a changé. L'aménagement urbain a commencé à rendre la ville à la population au lieu de donner la priorité aux voitures. Lorsque les voitures sont conduites par des humains, vous le savez, les piétons doivent attendre avant de traverser la route parce que certaines personnes conduisent trop vite ou ne font pas attention, évidemment. Mais les véhicules autonomes changent la donne parce qu'ils s'arrêtent toujours plutôt que de vous renverser. Donc, au fur et à mesure que les villes s'étendent et qu'un nombre croissant de véhicules autonomes circulent dans les rues, il devient de plus en plus difficile de se déplacer. Voici à quoi va ressembler pour vous l'évolution des transports au cours des prochaines décennies. Il y aura moins de grands transports, mais tout un réseau de petits. Certains seront de taille si réduite qu'on les appellera des vertiports. Ils sont à peine plus grands que des stations de taxi. Pour les vols long courrier, vous emprunterez votre avion de ligne à hydrogène et atterrirez dans un grand aéroport qui fera office de plateforme. Puis, vous effectuerez un vol plus court dans un avion électrique sans pilote qui vous emmènera près de chez vous en compagnie d'une petite dizaine d'autres passagers. De là, vous pourrez même prendre un autre drone, encore plus petit, qui vous déposera dans un vertiport de votre quartier. Les aéroports deviendront l'équivalent des gares ferroviaires d'aujourd'hui. Mais nous reviendrons plus tard sur le sujet des trains. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Solutions pour le climat. Je referai un voyage dans le temps la semaine prochaine pour vous faire découvrir une autre facette de votre avenir dans Solutions pour le climat. diffusée par la Banque européenne d'investissement.